France Inter, le 13-14. Jean Lebrun, le vif de l'histoire, le journal américain de New York Times, publie une enquête au long cours sur Haïti, qui est appelée, espère le journal, à faire beaucoup de bruit. Elle concerne donc Haïti, dont les liens avec les États-Unis et la France sont serrés. Et le journal soutient que si Haïti est entré dans une spirale de malheur, la responsabilité en revient largement aux États-Unis et à la France, qui l'ont soumis à un endettement insupportable. Alors parlons avec vous aujourd'hui de la France, qui occupe le début et la fin de l'enquête. Ah, les rapports supposés privilégiés d'Haïti avec la France, ils sont souvent à sens unique. 2004, vous vous souvenez, bicentenaire de l'indépendance du pays acquise en 1804 après une victoire sur les troupes de Bonaparte. Ah bon, le petit caporal vaincu par des Noirs, première nouvelle, ont dû se dire à l'époque beaucoup de Français. Depuis, la figure du général haïtien Toussaint Louverture est mieux connue, mais qui chez nous se souvient de l'événement dont parle l'enquête du New York Times, à savoir l'arrivée d'un délégué de Paris, Mako, qui, en 1825, est venu dire au président haïtien « Bon, on va reconnaître l'indépendance que vous avez conquise il y a 20 ans, mais il faut que vous payiez en 5 termes une somme astronomique afin de dédommager nos anciens colons. Sinon, Mako n'est pas venu seul et il désigne son escadre. » C'est Charles X, le dernier roi Bourbon, qui a choisi cette manière forte. La Restauration a ceci de commun avec notre époque, qu'elle est obsédée par les réparations. Sauf qu'elle veut réparer les horreurs révolutionnaires. La monarchie de Juillet proposera, en 1838, un échéancier moins défavorable, mais Haïti devra payer jusqu'en 1886, contractant à cet effet des emprunts qui la mettent entre les bains de banque française. Le point de vue du Times, c'est celui-ci. L'esclavage avait structuré Haïti, ensuite ce sera l'endettement. Mais le journal américain a pris les moyens d'étayer ses affirmations. Quand une rédaction compte 1700 journalistes, sa chefferie peut déléguer 4 d'entre eux pendant plus d'un an pour plonger, je cite, dans des milliers de pages d'archives qui n'auraient jamais été étudiées par des historiens. Sauf que les historiens, il en est excellent à Haïti, citent leurs sources. On est heureux quand le Times le fait, rarement. Ainsi, ce registre de 990 pages conservé aux archives du monde du travail à Roubaix, qui contient les demandes d'indemnisation des familles de colons. On aimerait savoir mieux comment elles sont formulées. Évoquent-elles les massacres dont elles ont été victimes? Parce que les journalistes du Times ne semblent pas l'avoir découvert. Après l'indépendance, les derniers blancs, 3 à 5 000, ont été éliminés physiquement, systématiquement. Et le New York Times date le début de la catastrophe de 1825, mais que s'est-il passé entre l'indépendance 1804 et 1825? Alors, le New York Times se contente de dire qu'Haïti attend le retour des Français et que son chef, Dessalines, construit une grande citadelle. Dessalines s'est proclamé empereur d'Haïti et installé au poste clé des militaires qui sont autant de féodaux. Son successeur dans la partie nord du pays, le roi Christophe Aimé Césaire. Une pièce, la tragédie du roi Christophe, poursuit sa politique de coercition. La main-d'œuvre rurale est assujettie à un asservissement qui se substitue à l'esclavage. C'est le prix à payer pour maintenir une économie de plantation qui néanmoins diminue inexorablement. Puis s'ouvre un nouveau moment avec le président Boyer, celui qui va se trouver face à face avec l'escadre française. Il bénéficie, lui, de la durée. Il va garder le pouvoir jusqu'en 1843. Il bénéficie surtout d'un élargissement de son espace parce qu'il réussit à réunir Haïti et le territoire dominicain voisin, reconstituant la grande île de Saint-Domingue. Mais la greffe ne prend pas, sa politique échoue. Et en fait, Haïti, avant d'être étranglé par l'endettement, n'a pas résolu la question agraire qu'ignorent les journalistes du Times. Alors que les grandes plantations dépérissent, la multiplication des petites propriétés ne signifie aucunement l'émancipation des paysans qui survivent aux antipodes des commerçants des villes qui, eux, sont sous le contrôle des grands négociants. Vous me suivez? Anglais, oui. Américains, Français. L'endettement viendra s'ajouter au mal structurel haïtien, la fragmentation de l'espace. Mais selon l'enquête, sans le remboursement de la dette à la France, l'État aurait pu par exemple construire des routes et il calcule tous les préjudices subis. Oui, il dresse des additions dont on ne voit pas très bien comment on pourrait y mettre fin. Le Times ajoute que 15 historiens et économistes ont été appelés à la rescousse pour faire en sorte que cette comptabilité ne devienne pas onirique et surprise. Presque tous aboutissent au montant auquel était parvenu en 2003 l'ancien président haïtien Aristide. Aristide, qui s'était fait conseiller à l'époque, paraît-il, par un cabinet américain et qui, s'appuyant sur la colère de la misère dans les bidonvilles, avait laissé espérer aux Haïtiens un dédommagement qu'ils se partageraient. Comment, on ne sait pas bien. Si le but du New York Times est de dire qu'Aristide avait raison, il est rempli. Reste maintenant aux journalistes à mener une enquête sur le dit Aristide qui n'est pas nécessairement le le martyr qui dit la vérité. Jean Lebrun, le vif de l'histoire. France Inter.